Des leaders de partis politiques et autres personnalités de divers pays ont exalté vivement les exploits mortels du général Kim Jong-il, qui a fait un grand apport éternel pour la prospérité de la Corée et la réalisation de la cause d'émancipation de l'humanité. Le président du Parti pour la paix et l'unité de Russie, le sous-secrétaire général du Parti islamique uni de l'Iran, le président du Comité national nigérien d'études de Kim Jong-un et le secrétaire général du Parti travailliste du Congo démocratique ont noté dans leurs messages et lettres que le camarade Kim Jong-il a défendu la souveraineté et la dignité du pays et du peuple en portant haut la bannière de Sangoon en dépit de la pression politique et militaire et des manœuvres d'empêchement des États-Unis et de leurs suivistes et de toutes sortes de difficultés. Ils ont souligné qu'il est l'homme politique éminent qui a consacré toute sa vie pour le bonheur du peuple coréen, la prospérité du pays et la victoire de la cause d'émancipation mondiale.